Yeah, Angry's Military Chic pour notre apologie. Écoute. Angry's, dis-moi pourquoi il m'a laissé, pourquoi je n'ai pas eu le temps de bien l'aimer. T'inquiète pas, tu finiras par s'arranger, faut t'aille lui parler sans hésiter et sans pleurer. Yeah. Ce soir car je souffre loin de lui, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est ma vie, cet homme qui me manque sans cesse, je pleure son absence. Merde, j'aimerais qu'il soit près de moi, qu'il me dise je t'aime et qu'il me prenne dans ses bras. T'inquiète Military, un jour il finira par revenir, il verra que la seule personne qui compte à ses yeux c'est toi et rien ne le changera, même pas les dieux. Moi je comprends pas trop ta peine car je suis posé, ça fait bientôt un an et demi et je suis fiancé. Sans arrêt il me tapait, je n'en pouvais plus, je n'arrivais plus à supporter. Mais Angry, je l'aime encore, sans cesse sans moi, je sens les remords. Angry, dis-moi pourquoi il m'a laissé, pourquoi je n'ai pas eu le temps de bien l'aimer. T'inquiète pas, tu finiras par s'arranger, faut que t'ailles lui parler sans hésiter et sans pleurer. Yeah. Military, t'as rien à regretter, c'était parti, c'est que t'avais pas d'autre choix dans ta vie. L'amour, tu peux le trouver, et tu sais que tes mecs dans le monde, y'en a pas mal. Fais ta vie, avance selon un couple, et un jour, t'inquiète pas, tu trouveras le grand amour. Tu sais, Angry, je n'en suis pas si sûr, car ici, les mecs ne sont pas comme chez toi, ils sont violents, méchants et durs. Je ne veux devoir à resubir tout ça, franchement, j'ai l'impression qu'aucun mec pour moi a de la compassion. Military, ne t'en fais pas, un jour tu trouveras le bon, même si ça arrive dans le temps, au moins tu seras contente. Yeah. Angry, dis-moi pourquoi il m'a laissé, pourquoi je n'ai pas eu le temps de bien l'aimer. T'inquiète pas, tu finiras par s'arranger, faut que t'ailles lui parler sans hésiter et sans pleurer. Yeah. Angry, dis-moi pourquoi il m'a laissé, pourquoi je n'ai pas eu le temps de bien l'aimer. T'inquiète pas.